just as well. Fuck off, moi je veux être. Tu veux être libre comme l'air, hey, libre comme l'air. Tu veux être libre comme l'air, hey. De l'Ariane à Saint-Lévis, à Tour-Saint-Denis, à Tour-Saint-Denis, à Saint-Lévis, Tour-Saint-Denis, à Tour-Saint-Denis, à Saint-Lévis, Tour-Saint-Denis. Et vive le rock libre! Commando Perno, il est vraiment barjo. Alors, comme vous avez vu, il y a eu, un événement bizarre, un événement d'ordinateur. Je vais mettre ça sur le bout de Rancid, parce qu'à chaque fois qu'il se passe, que je m'en vais que dans mon émission, il y a une pièce de Rancid, vu que j'en passe plus tard, là, il arrive des affaires comme ça. Non, je pensais peut-être que c'était l'ordinateur qui avait abusé du Perno autrement. Peut-être aussi, ça se pourrait, écoute, ça fait longtemps qu'on a eu ça assez fou, l'album, j'ai même oublié le nom de l'album. Concerto pour détraquer. Tu as détraqué, voilà. C'est ça. C'est dans le thème, là, d'être détraqué. Oui. Là. Mais oui. De toute façon, en rediffusion, ça apparaîtra même pas. En tout cas. Et puis ceux qui sont en direct, t'en as rien à faire, quoi. Bah ouais. Puis ceux qui sont en rediffusion, ça demande pourquoi que je vais dire qu'il y a eu une erreur. À part que la pièce va peut-être se répéter, mais bon. Ouais. Bon, bref, on a commencé ça avec le Commando Perno, puis on va continuer en vous annonçant ce qui va jouer. Donc, mais là, on va enchaîner avec du DOA et deux de leurs pièces extraites de leur album live, portant le nom de Welcome to Chinatown, DOA Live. Et pour DOA, nous allons entendre les chansons General Strike ainsi que Race Riot, car les deux pièces s'enchaînent une dans l'autre, donc impossible de les séparer. DOA sont très forts comme ça. C'est un peu comme les Ramones, eux autres en live. C'est 1, 2, 3, 4, puis ils t'enchaînent ça au moins 4 tours de la suite, puis après ça encore 1, 2, 3, 4. Ah ouais. Alors, c'est ça. DOA qui sont en spectacle demain à Montréal, au Catacombes, dans le cadre du Revolution Fest. Toujours dans le cadre du même festival, les Ordures Ioniques seront là. Et pour les Ordures Ioniques, nous allons entendre Engagez-vous. C'est une pièce qui parle de l'armée canadienne, ça, Adrien. Bon vieux classique. On en a bu de la bière sur ça, moi et mes potes à l'époque. Et après ça, les ordures, nous allons voir, après les ordures, Ripcords avec une de leurs bons vieux classiques, la chanson Anarchy, extrait de l'album portant le nom There Isn't No H in Ripcords Dark Face. On a toujours eu des longs titres, Ripcords. Donc, allez! On y va avec DOA, hein, en finissant avec le commando perno. Thanks very much, everybody. This is a song about sticking together with your friends, your neighbors, and your loved ones. When you get tired of being pushed around, you get together. I said you get together! And you pull off this thing. You know what it's called? That's right. It's called the General Strike. We'll be right back. much about racism. And fucking racism sucks anywhere, anytime, any place. And you gotta stand up to it, brothers and sisters. It's called Race Riot. Just a statistic. No one listens. Yes, sir! Rip Chords avec la pièce Anarchy, extrait de leur bon vieil album paru en 1992, There Isn't No H in Rip Chords Dark Face. Rip Chords, qui eux étaient en spectacle hier dans le cadre du Revolution Fest à Montréal. Et deux pièces avant ça, nous avons eu DOA avec les chansons General Strike ainsi que Race Riot, ce qui me vient de vous dire que finalement il y avait eu trois pièces dans la chanson de Rip Chords. Et ensuite on avait eu le bon vieux classique Engagez-vous, rengagez-vous des ordures ioniques, extrait de l'album Je m'en viens sous. Et puis maintenant, nous continuons avec trois autres formations qui sont et qui étaient, ou plutôt non, il y en a une qui devait l'être mais qui ne l'était plus. Bref, en tout cas, donc on y va avec The Prowlers qui seront demain au Revolution Fest. The Prowlers, on va entendre leur nouvelle pièce Badland, qui, elle, est extrait de leur plus récent album On The Run. Et puis, après ça, nous aurons Mayday avec la chanson Les Histoires Meurent. Mayday qui ont cancellé leur rendez-vous hier, mais finalement, c'est la formation No Chaser qui les a remplacés. Formation dont fait partie justement la guitariste de Mayday, Cicel. Donc finalement, il manquait pas de groupe. Et puis après ça, pour le prochain bloc, nous aurons Hors Contrôle qui seront la tête d'affiche demain au Catacombe à Montréal. Pour Hors Contrôle, nous allons entendre une de leurs nouvelles chansons, extrait de l'album L'Union fait la force. La pièce qu'on va entendre cette fois-ci, c'est la chanson La vie était moins moche. Adrien, t'as-tu quelque chose à dire? Non. T'as rien à dire, t'es sûr, là? Bah, avec demain, ça va être une bonne soirée. Ouais. Puis la semaine prochaine, on va avoir les entrevues. Extrait de la soirée de demain. Ah, mais t'as pas écouté que j'ai déjà dit ça tout à l'heure dans mon émission, toi? Mais c'est parce qu'il faut trop que tu penses que le monde, des fois, il enregistre pas nécessairement ce qu'on leur dit, tu sais. Fait qu'au cas où... Non, les gens n'écoutent très bien ce que je dis. Il y a que toi qui m'écoutes pas, en fait. Ah, je sais pas. Écoute, s'ils étaient partis comme au dépanneur pendant qu'on leur disait ça, là, ils n'ont pas compris. Fait que, faut que tu répètes. C'est comme ça, la vie. Faut répéter souvent. Hein. Ouais. Bon, allez. The Prowlers avec la pièce Badland, extrait de On The Run. Please let me

Alors, vous écoutez toujours Sky Punka sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Et avant la multitude de publicités, vous avez eu The Prowlers avec Bad Land. Et non pas bas de laine, comme me faisait remarquer Adrien tantôt, là, il était crampé. Je me moquais simplement de la prononciation de notre ami camarade B, qui tout à l'heure aussi parlait du Revolution Fest au lieu du Revolution Fest. Mais bon, il articule peut-être mal. Ouais, mais si on écoute bien ce que tu viens de dire, t'as dit exactement la même chose que j'ai dit. Blablabla, non. Qu'est-ce que t'as, quoi, contre un festival de fesses en plus, là? Colin, je te dis Adrien, là, franchement. T'es vraiment trop conformiste, là. Et puis après ça, on avait eu Mayday avec la chanson Les Histoires meurent et Hors Contrôle avec La vie était moins moche. Qu'on avait que 21 en poche. Hey, Adrien. Hein? Je t'écoute plus. Tu m'écoutes plus? Voyons donc, là. Oh, Adrien, il est fru, là, son Macintosh, il niaise depuis tantôt. Là. Tiens, d'ailleurs, un petit message à notre ami Bobby Blouin qui te fait tout simplement, là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah, fais ta job correctement, lui dire des niaiseries, là. Non, mais je pense qu'il a bien raison, là. Non, mais chialeux, lui. Ouais, moi, je lui donne entièrement mon soutien, là, à ses propos, là. Bon, ben, hey, Bobby, il y a le prochain bloc, là, c'est pour ta petite fille, question qu'elle mette toute ta maison à l'envers comme la dernière fois, là. Fait que, Corinne, t'as une mission encore une fois. Foutre le bordel dans la maison, trash partout, fait de tout tomber par terre, là, pour faire sortir la future punk rockers en toi. Alors, nous allons commencer le prochain bloc avec une nouveauté, la formation canadienne. Non, mais tu sais, c'est dommage parce qu'elle est partie se coucher, donc ça arrivera pas. Déjà? Farlin, Martin est rendu sérieux. En tout cas, The Tubloïd, c'est ce qui va jouer. Il y en a qui éduquent correctement leurs enfants. Hey, bon. The Tubloïd avec This Wave Sucks. C'est tout nouveau, là. Cet extrait, du mini-album portant le même nom. Mini-album qui est un EP sur vinyle, là. Ouais. Et puis après ça, nous aurons Hold the Grudge avec la chanson Sell Out. Pièce qui a été extraite de leur premier LP, qui était un album éponyme. Hold the Grudge qui vont nous faire leurs adieux le 15 novembre. Et puis, après ça, vous aurez Dead Kennedys avec la pièce Boss Bomb, ainsi que le très populaire groupe brésilien Red Jack SA et la chanson Santa Ignorancia. Tout ça à Sky Punka sur les ondes de C'est fou, la radio campus d'une ville s'appelant Trois-Rivières. OK. C'est le temps d'y aller en musique, là. Allez! Je pense que c'est mieux qu'on en mette de la musique parce que là tu dépasses les bornes. Ouais. Check ça la prochaine fois, toi. Don't know where you are. 7-Eleven. Yes sir, Reject Essay, avec la chanson portant le nom de Santa Ignorantia, et deux pièces avant, pas deux pièces, mais plutôt trois pièces avant ça, qu'est-ce que nous avions eu? Eh bien, tout d'abord, nous avons eu de la musique, Adrien, ça va aller mieux si ton micro est ouvert, par contre. Ah. On a eu de la musique, oui. On a eu la formation Tubuloid, je l'avais dit en français tantôt, hein. Mais ça, donc Tubuloid qui nous vient de l'Ouest canadien avec la chanson This Wave Sucks, extrait du EP en 7 pouces, hein, portant le même nom. Et puis après ça, on a eu Old The Grudge avec Sell Out ainsi que Dead Kennedys avec Buzz Bomb. On enchaîne immédiatement avec Atox qui nous vient du Brésil également, tout comme les Reject Essay, avec la chanson Elga, qui s'enchaînera avec une nouveauté de Rancid, la pièce Raise Your Fist. Rancid, qui sont venus à leur bon vieux son punk rock là, des années fin 90 plutôt, là, ouais. Plutôt milieu 90, ouais. Donc, quand même pas mal bon, je dirais, leur nouvel album, là. Ouais, je suis fier de Rancid, ils sont venus vers leur bon vieux son. Ouais. Adrien, c'est que t'as à rire, là. Je suis en train de me dire, t'es fier de Rancid, mais est-ce que tu penses que Rancid est fier de toi? Écoute, moi, là, je fais une émission de punk, des erreurs, c'est normal. Mais je trouve pas que j'en ai fait, quand même. Là. Ouais. Demande à Bobby ce qu'il en pense. Bla bla bla bla bla. Il dit la même chose que moi. Et puis après ça, vous aurez Contingent Anonyme avec une de leurs nouvelles compositions, la chanson Mémoire. Ouais, alors, allons-y. Et d'ailleurs, comme il n'a pas encore coupé mon micro, là, je vous souhaite une bonne fin de soirée parce que je l'abandonne. Là, il est trop fatigant ce soir. Tu m'abandonnes? Ouais. Bon, va te coucher. On vous dit la semaine prochaine. Va te coucher, ça va te faire du bien. Bon, on va et puis à demain pour ceux qui seront ouais. Révolution Fest, comme, comme nous dit notre ami camarade Bill. Ouais. Allez vous coucher, demain il va pleuvoir, fait question là, d'être en forme. Mais couchez-vous pas avant la fin de Skypunka. Ouais, Skypunka, c'est pas fait pour s'endormir là. Non. Je pense que je vais moins parler, là. Pour passer plus de musique là. Let's talk more rock. Yes sir. Elga. Datox. Against the power, raise your fist. Bien sûr que c'est fou de diversité, assez fou, car le Sky Punka, et également aussi les Bonnets Rouges, là, qui font jouer du punk là, une fois de temps en temps. Là, pendant qu'Adrien n'est pas là, je peux me permettre un peu de me foutre de sa gueule. Là. Ouais. Mais non, on l'aime bien quand même, c'est pas de sa faute, c'est un breton barbu. Donc, qu'est-ce qu'on a eu avant les publicités? Eh bien... nous avons eu la formation brésilienne Atox avec la chanson Helga, Rancid avec la chanson Raise Your Fist, extrait de leur tout nouvel album portant le nom de Horror Is All We Know, qui va sortir aux alentours du 27 octobre si ma mémoire est bonne. Puis ils ont vraiment renoué avec le passé. Là. Ça faisait deux albums qui étaient un petit peu soft. Là, ça fait plus penser à An Out Come the Wolf, mélangé avec leurs deux premiers albums. Ouais. Donc, bon album, je dirais. Il y a également deux pièces reggae. Bref, il y a 14 chansons. Une ou deux qui sont moyennes. Mais il y en a quand même 12, là, pas mal bonnes. Dont Raise Your Fist, qui est excellente, là, celle que vous avez entendue tantôt. Il y en a trois autres dans le même genre, comme ça aussi. Là. Bon. Et après, on avait eu Contingent Anonyme avec la chanson Mémoire, qui est extrait de leur plus récent album, qui est sorti il y a vraiment pas beaucoup de temps sur l'étiquette Rusty Knife Records. Ce qui m'amène à vous parler d'une autre affaire qui vient de sortir sur Rusty Knife Records, le nouvel album de la formation ska punk reggae musique du monde, la formation Ascultura. Qui viennent de sortir leur, on va dire, un mini-album de 7 pièces portant le nom de Inferno. Nous allons entendre de cette chanson-là aujourd'hui la pièce Zendopunks, qui est la pièce d'ouverture de leur album, qui est une chanson qu'on pourrait classer dans ska punk, mais leur album passe vraiment du ska punk au reggae, au ska traditionnel, avec des influences gypsy là-dedans, et puis du folk un peu une fois de temps en temps. Bref, très varié, comme d'habitude pour Ascultura, mais tout ça se font très bien en leur seul et unique genre. Ouais. Et puis, suite à Ascultura, nous aurons Los Tres Puntos avec la chanson Rainbow Show, ainsi que la chanson Firm Ton Bush, instrumental qui vient clore justement la chanson Rainbow Show que vous pouvez retrouver sur l'album CO, paru il y a quelques années là. Et puis après ça, vous aurez Bad Manners avec la pièce Red River Ska, qui est une instrumentale, extrait de l'album Heavy Petting, et nous terminerons le tout avec une pièce de la formation Reggae Dub Dub Trinity quelle chanson? Avec la chanson Throw Your Weapon Down, pièce où on peut entendre le chanteur de la formation. Voyons, j'ai oublié le nom. Ça va bien. Hein? Ouais, bon, en tout cas, vous le direz plus tard. Bref, allez, allons-y sans plus tarder avec Ascultura et la chanson Zendopunks. Tout ça à Sky Punka sur les ondes de C'est Fou. La Radio Campus de Trois-Rivières, Cayman on the 45, le nom de la voix du chanteur pour Dub Trinity. Yeah. Allez, musique, je crois que la journée m'a pas mal claqué. we sing. Whoa! soldats, allez, baissez vos armes et faites la paix. Et puis, buvez de la bière à la place. C'est bien meilleur. C'était justement la pièce Doubt Trinity avec Throw Your Weapon Down. Trois pièces avant ça, Ascultura avec Zendo Punks. Comme vous avez vu, c'était vraiment une très bonne pièce. Punk, voyons, ska punk, mélangé avec un petit côté gypsy. Et j'ai bien hâte de vous faire entendre les six autres pièces de l'album. Très bon album, le nouvel album portant le nom de Inferno. Je vous le conseille fortement. C'est sur Rusty Knife Records. Jamais vous voulez aller le commander, là. Allez faire un tour sur Rusty Knife Records. Très bon album, en tout cas. Et puis ensuite, on avait eu Los Tres Puntos avec Rambo Show, qui bien sûr se clôt avec la chanson Ferme ton bouche. Et puis après ça, on avait eu Bad Manners avec Red River Ska. On enchaîne maintenant avec du bon punk rock. On commence ça avec Twister. Twister qui nous viennent de Louisville et du nord de la Mauricie, tiens. Quoique c'est pour leur ancien lieu. Bref, Twister pour Yann et sa gang de Barnick. Donc, Twister avec la chanson « Le monde est pourri ». Yeah! Qui s'enchaînera avec US Bomb and Just Like You. Ainsi que Total Chaos avec I'm Really Free. Pièce que j'ai pas fait jouer depuis des lustres. Que vous pouvez retrouver sur Punk Invasion. Allez, allons-y avec Twister et la pièce Le monde est pourri. En attendant que ça change. Allez, yeah! Tiens, ça me fait penser que suite à un bloc de publicité dans le passé, j'ai déjà fait jouer cette pièce-là de Total Chaos, plutôt reprise à We're Not Gonna Take It. Eh bien, ça m'est revenu comme ça. Alors, tout juste avant le fameux bloc de publicité, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, nous avons eu Twister avec la pièce Le Monde est pourri. J'avais oublié de vous le dire, cet extrait de quel album? Mais c'est extrait de leur tout nouveau mini-album portant le nom de Tornade F5. Pour l'instant, il est disponible en téléchargement gratuit sur le site de yannmusic.org, si ma mémoire est bonne. yannmusic.com, www.yannmusic.com. Donc, si ça vous tente d'aller vous chercher ça, là, allez faire un tour sur le site de Yann Music. Il y a bien sûr aussi son autre groupe à Yann qui s'appelle Les Barniques. Il y a également un autre projet qui s'était appelé Yannick et Les Barniques, mais qui était la continuité de Twister, qui ressemble beaucoup à ce qu'il a joué tantôt. Bon, et suite à cela, nous avions eu Yoas Bum avec Just Like You et Total Chaos avec I'm Really Free. Maintenant, avant de passer en musique, juste pour vous rappeler que demain aura lieu à Montréal la troisième partie du festival portant le nom de Revolution Fest. Question que le breton ne dise pas que je prononce mal Fest. Ouais, mais quand on le dit vite, c'est vrai que ça sonne fesse. Mais bon, c'est lui qui les oreilles croches, là. Et donc, demain seront présents aux Catacombes Hors Contrôle, DOA, The Prowlers, Les Ordures Ioniques, Viva Bertaga, qui est un groupe hommage à Berrurier Noir. Et ce soir, si ça vous tente d'aller voir dans le cadre du même festival, une bonne soirée de hardcore, eh bien, il y a, au Catacombe toujours, Urban Waste, True North Strong, Toxic, ainsi que Irrefer. Oh, j'en oublie un. Et Sabotage, qui est du punk hardcore de Toronto. Bon, maintenant, il est rendu le temps de continuer la musique. Et là, on s'en va en Psycho et en Rockabilly avec Necromantic et la chanson Love You Deadly, extrait de l'album qui s'appelait comment cet album-là? Voyons. Ah oui, What Happened in Hell Stay in Hell. Après ça, un bon vieux classique, Kiss Me As, dans la formation The Crumbs, qui sera suivi du groupe allemand Frantic Flintstone avec Band from the Cutty, ainsi que Hypnophonics et la chanson Maybe It's You. It's my ass. Trying to make des Hypnophonics avec la chanson Maybe It's You, extrait de l'album Last Band on Earth, paru il y a quelques années sur Stomp Record. Si nous reculons de trois pièces, nous avons eu Necromantic avec Love You Deadly, The Crumbs avec Kiss My Ass, ainsi que Frantic Flintstone avec Band from the Cutty. Maintenant, il est rendu l'heure de se quitter. Et aujourd'hui, on se quitte en folk punk avec tout d'abord les Ramoneurs de Menhir et leur version de la pièce Magne of China, qui est en fait leur version à eux, mais qui est une reprise de la version des Berruriers Noirs. Et puis après ça, nous aurons The Killigan avec la chanson Kid on the Street, ainsi que Miracle et la chanson L'Esprit de l'Escalier for the Kids. C'est le camarade B qui vous dit bye bye et à la semaine prochaine pour une autre émission de Sky Punka, toujours entre 21h et 23h. Et juste avant, c'est la pas si pire moyenne émission punk portant le nom des Bonnets Rouges. Sur ce, à plus et vive le rock libre! Bande de pouilleux. Allez, c'est le temps de se quitter. Magne of China. Oh, Magne of China, Magne of China. Tes drapeaux sont noirs dans le vent. De notre sang, ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se lever nos partisans, à travers. Another day will come, pick up your workers' boots, and you'll toil till the nightfall comes. And the stars up above will shine down through the night, till you wake to that warm autumn sun. And the children, they roam in the street, running wild in the midsummer's heat. They're out there somewhere counting stars till they nod off to sleep. Or a bike that I lost fingers on, beer time and my whiskey's all gone. I'll just lay here a while counting stars till I nod off to sleep. And you grow inside.